Livre 4. Les jeunes reines. 1. Fermons ici notre jeune ruche, où la vie, reprenant son mouvement circulaire, s'étale et se multiplie, pour se diviser à son tour dès qu'elle atteindra la plénitude de la force et du bonheur, et rouvrons une dernière fois la cité mère, afin de voir ce qui s'y passe après la sortie de l'essaim. Le tumulte du départ apaisé, et les deux tiers de ses enfants l'ayant abandonné sans esprit de retour, la malheureuse ville est comme un corps qui a perdu son sang. Elle est lasse, déserte, presque morte. Pourtant, quelques milliers d'abeilles y sont restées, qui, inébranlées, mais un peu alanguies, reprennent le travail, remplacent de leur mieux les absentes, effacent les traces de l'orgie, resserrent les provisions mises au pillage, vont aux fleurs, veillent sur le dépôt de l'avenir, conscientes de la mission et fidèles au devoir qu'un destin précis leur impose. Mais si le présent paraît morne, tout ce que l'œil rencontre est peuplé d'espérance. Nous sommes dans un de ces châteaux des légendes allemandes où les murs sont formés de milliers de fioles qui contiennent les âmes des hommes qui vont naître. Nous sommes dans le séjour de la vie qui précède la vie. Il y a là, de toutes parts, en suspens dans les berceaux bien clos, dans la superposition infinie des merveilleux alvéoles à six pans, des myriades de nymphes plus blanches que le lait qui, les bras repliés et la tête inclinée sur la poitrine, attendent l'heure du réveil. À les voir dans leurs sépultures uniformes, innombrables et presque transparentes, on dirait des gnomes chenus qui méditent ou des légions de vierges déformées par les plis du suaire et ensevelies en des prismes hexagones multipliés jusqu'au délire par un géomètre inflexible. Sur toute l'étendue de ces murs perpendiculaires qui renferment un monde qui grandit, se transforme, tourne sur lui-même, change 4 ou 5 fois de vêtements, effile son linceul dans l'ombre, battent des ailes et dansent des centaines d'ouvrières pour entretenir la chaleur nécessaire et aussi pour une fin plus obscure, car leur danse a des trémoussements extraordinaires et méthodiques qui doivent répondre à quelque but qu'aucun observateur n'a, je crois, démêlé. Au bout de quelques jours, les couvercles de ces myriades d'urnes, on en compte dans une forte ruche de 60 à 80 000, se lézardent, et deux grands yeux noirs et graves apparaissent, surmontés d'antennes qui palpent déjà l'existence autour d'elles, tandis que d'actives mâchoires achèvent d'élargir l'ouverture. Aussitôt, les nourrices accourent, aident à la jeune abeille à sortir de sa prison, la soutiennent, la brossent, la nettoient et lui offrent au bout de leur langue le premier miel de sa nouvelle vie. Elle, qui arrive d'un autre monde, est encore étourdie, un peu pâle, vacillante. Elle a l'air débile d'un petit vieillard échappé de la tombe, on dirait d'une voyageuse couverte de la poussière duveteuse des chemins inconnus qui mènent à la naissance. Du reste, elle est parfaite des pieds à la tête, sait immédiatement tout ce qu'il faut savoir et, pareil à ces enfants du peuple qui apprennent pour ainsi dire en naissant qu'ils n'auront guère le temps de jouer ni de rire, elle se dirige vers les cellules closes et se met à battre des ailes et à s'agiter en cadence pour réchauffer à son tour ses sœurs ensevelies sans s'attarder à déchiffrer l'étonnante énigme de son destin et de sa race. 2. Pourtant, les plus fatigantes besognes lui sont d'abord épargnées. Elle ne sort de la ruche que 8 jours après sa naissance pour accomplir son premier vol de propreté et remplir d'air ses sacs trachéens qui se gonflent, épanouissent tout son corps et la font, à partir de cette heure, l'épouse de l'espace. Elle rentre ensuite, attend encore 1 semaine et alors s'organise, en compagnie de ses sœurs du même âge, sa première sortie de butineuse au milieu d'un émoi très spécial que les apiculteurs appellent le soleil d'artifice. Il faudrait plutôt dire le soleil d'inquiétude. On voit en effet qu'elles ont peur, elles qui sont filles de l'ombre étroite et de la foule. On voit qu'elles ont peur de l'abîme azuré et de la solitude infinie de la lumière, et leur joie tâtonnante est issue de terreur. Elles se promènent sur le seuil, elles hésitent, elles partent et reviennent 20 fois. Elle se balance dans les airs, la tête obstinément tournée vers la maison natale. Elle décrive de grands cercles qui s'élèvent et qui, soudain, retombent sous le poids d'un regret et leurs 13 000 lieues interrogent, reflètent et retiennent à la fois tous les arbres, la fontaine, la grille, l'espalier, les toitures et les fenêtres des environs. jusqu'à ce que la route aérienne sur laquelle elles glisseront au retour soit aussi inflexiblement tracée dans leur mémoire que si deux traits d'acier la marquaient dans l'éther. Voici un nouveau mystère. Interrogeons-le comme les autres, et s'il se tait comme eux, son silence agrandira du moins de quelques arpents nébuleux, mais ensemencés de bonne volonté, le champ de notre ignorance consciente, qui est le plus fertile que notre activité possède. Comment les abeilles retrouvent-elles leur demeure, que, parfois, il est impossible qu'elles voient, qui souvent est cachée sous les arbres, et dont l'entrée où elles abordent n'est en tout cas qu'un point imperceptible dans l'étendue sans borne. Comment se fait-il que, transporté dans une boîte à 2 ou 3 kilomètres de la ruche, il est extrêmement rare qu'elle s'égare? La distingue-t-elle à travers les obstacles? Est-ce à l'aide de points de repère qu'elle s'oriente? Ou bien possède-t-elle ce sens particulier et mal connu que nous attribuons à certains animaux, aux hirondelles et aux pigeons par exemple, et qu'on appelle le sens de la direction? Les expériences de J.H. Fabre, de Lubbock et surtout celles de M. Roman, Nature, 29 octobre 1886, semblent établir qu'elles ne sont pas guidées par cet instinct étrange. D'autre part, j'ai plus d'une fois constaté qu'elles ne font guère attention à la forme ou à la couleur de la ruche. Elles paraissent s'attacher davantage à l'aspect coutumier du plateau sur lequel repose leur maison, à la disposition de l'entrée et de la planchette d'abordage. Note. La planchette d'abordage, qui n'est souvent que le prolongement du tablier ou plateau sur lequel est posée la ruche, forme une sorte de perron, de palier ou de repos, devant l'entrée principale ou trou de vol. Fin de note. Mais cela même est accessoire, et si pendant l'absence des butineuses on modifie de fond en comble la façade de leur demeure, elles n'y reviendront pas moins directement des profondeurs de l'horizon et ne manifesteront quelque hésitation qu'au moment de franchir le seuil méconnaissable. Leur méthode d'orientation, autant que nos expériences permettent d'en juger, paraît plutôt basé sur un repérage extraordinairement minutieux et précis. Ce n'est pas la ruche qu'elles reconnaissent, c'est, à 3 ou 4 millimètres près, sa position par rapport aux objets d'alentour. Et ce repérage est si merveilleux, si mathématiquement sûr et si profondément inscrit dans leur mémoire, qu'après 5 mois d'hivernage dans une cave obscure, si l'on remet la ruche sur son plateau, mais un peu plus à droite ou à gauche qu'elle n'était, toutes les ouvrières, à leur retour des premières fleurs, aborderont d'un vol imperturbable et rectiligne au point précis qu'elles occupaient l'année précédente. Et ce ne sera qu'en tâtonnant qu'elles retrouveront enfin la porte déplacée. On croirait que l'espace a précieusement conservé tout l'hiver la trace indélébile de leur trajectoire, et que leur petit sentier laborieux est resté gravé dans le ciel. Aussi, quand on déplace une ruche, beaucoup d'abeilles se perdent-elles, à moins qu'il ne s'agisse d'un grand voyage et que tout le paysage qu'elles connaissent parfaitement jusqu'à 3 ou 4 kilomètres à la ronde ne soit transformé. À moins encore qu'on ait soin de mettre une planchette, un débris de tuile, un obstacle quelconque devant le trou de vol, qui les avertisse que quelque chose est changé et leur permette de s'orienter à nouveau et de refaire leur point. 3. Cela dit, rentrons dans la cité qui se repeuple, où la multitude des berceaux ne cesse de s'ouvrir, où la substance même des murs se met en mouvement. Toutefois, cette cité n'a pas encore de reine. Sur les bords d'un des rayons du centre s'élèvent 7 ou 8 édifices bizarres qui font songer parmi la plaine raboteuse des cellules ordinaires aux protubérances et aux cirques qui rendent si étranges les photographies de la Lune. Ce sont des espèces de capsules de cire rugueuses ou de glands inclinés et parfaitement clos qui occupent la place de 3 ou 4 alvéoles d'ouvrières. Ils sont habituellement groupés sur un même point, et une garde nombreuse et singulièrement inquiète et attentive veille sur la région où flotte on ne sait quel prestige. C'est là que se forment les mères. Dans chacune de ces capsules, avant le départ de l'essaim, un œuf, en tout pareil à ceux dont sortent les travailleuses, a été déposé soit par la mère elle-même, soit plus probablement, bien qu'on ait pu s'en assurer, par les nourrices qui l'y transportent de quelques berceaux voisins. 3 jours après, se dégage de l'œuf une petite larve, à laquelle on prodigue une nourriture particulière et aussi abondante que possible. Et voici que nous pouvons saisir un à un les mouvements d'une de ces méthodes magnifiquement vulgaires de la nature que nous couvririons, s'il s'agissait des hommes, du nom auguste de la fatalité. La petite larve, grâce à ce régime, prend un développement exceptionnel, et ses idées, en même temps que son corps, se modifient au point que l'abeille qui en est semble appartenir à une race d'insectes entièrement différente. Elle vivra 4 ou 5 ans, au lieu de 6 ou 7 semaines. Son abdomen sera 2 fois plus long, sa couleur plus dorée et plus claire, et son aiguillon recourbé. Ses yeux ne compteront que 8 ou 9 000 facettes, au lieu de 12 ou 13 000. Son cerveau sera plus étroit, mais ses ovaires deviendront énormes, et elle possédera un organe spécial, la spermathèque, qui la rendra, pour ainsi dire, hermaphrodite. Elle n'aura aucun des outils d'une vie laborieuse, ni pochettes à sécréter la cire, ni brosse, ni corbeille pour récolter le pollen. Elle n'aura aucune des habitudes, aucune des passions que nous croyons inhérentes à l'abeille. Elle n'éprouvera ni le désir du soleil, ni le besoin de l'espace, et mourra sans avoir visité une fleur. Elle passera son existence dans l'ombre et l'agitation de la foule, à la recherche infatigable de berceaux à peupler. En revanche, elle connaîtra seule l'inquiétude de l'amour. Elle n'est pas sûre d'avoir 2 moments de lumière dans sa vie, car la sortie de l'essaim n'est pas inévitable. Peut-être ne fera-t-elle qu'une fois usage de ses ailes, mais ce sera pour voler à la rencontre de l'amant. Il est curieux de voir que tant de choses, des organes, des idées, des désirs, des habitudes, toute une destinée, se trouvent ainsi en suspens, non pas dans une semence, ce serait le miracle ordinaire de la plante, de l'animal et de l'homme, mais dans une substance étrangère et inerte, dans une goutte de miel. Note. Certains apidologues soutiennent qu'ouvrières et reines, après l'éclosion de l'œuf, reçoivent la même nourriture, une sorte de lait très riche en azote que sécrète une glande spéciale dont est pourvue la tête des nourrices. Mais au bout de quelques jours, les larves d'ouvrières sont sevrées et mises au régime plus grossier du miel et du pollen, au lieu que la future reine ait gorgé jusqu'à son complet développement du lait précieux qu'on a appelé bouillie royale. Quoi qu'il en soit, le résultat et le miracle sont pareils. Fin de note. 4. Environ une semaine s'est écoulée depuis le départ de la vieille reine. Les nymphes princières qui dorment dans les capsules ne sont pas toutes du même âge, car il est de l'intérêt des abeilles que les naissances royales se succèdent à mesure qu'elles décideront qu'un 2e, qu'un 3e ou même qu'un 4e essaim sortira de la ruche. Depuis quelques heures, elles ont graduellement aminci les parois de la capsule la plus mûre, et bientôt la jeune reine, qui de l'intérieur rongeait en même temps le couvercle arrondi, montre la tête, sort à demi et, aidée des gardiennes qui accourent, qui la brossent, la nettoient, la caressent, elle se dégage et fait ses premiers pas sur le rayon. Comme les ouvrières qui viennent de naître, elle est pâle et chancelante. Mais au bout d'une 10aine de minutes, ses jambes s'affermissent et, inquiète, sentant qu'elle n'est pas seule, qu'il lui faut conquérir son royaume, que des prétendantes sont cachées quelque part, elle parcourt les murailles de cire à la recherche de ses rivales. Ici, la sagesse, les décisions mystérieuses de l'instinct, de l'esprit de la ruche ou de l'assemblée des ouvrières interviennent. Le plus surprenant, quand on suit de l'œil, dans une ruche vitrée, la marche de ces événements, c'est qu'on n'observe jamais la moindre hésitation, la moindre division. On ne trouve aucun signe de discorde ou de discussion. Une unanimité préétablie règne seule, c'est l'atmosphère de la ville, et chacune des abeilles paraît savoir d'avance ce que toutes les autres penseront. Cependant, le moment est pour elles des plus graves. C'est, à proprement parler, la minute vitale de la cité. Elles ont à choisir entre 3 ou 4 parties, qui auront des conséquences lointaines, totalement différentes et qu'un rien peut rendre funeste. Elles ont à concilier la passion ou le devoir inné de la multiplication de l'espèce avec la conservation de la souche et de ses rejetons. Quelquefois elles se trompent, elles jettent successivement 3 ou 4 essaims qui épuisent complètement la cité mère et qui, trop faibles eux-mêmes pour s'organiser assez vite, surpris par notre climat qui n'est pas leur climat d'origine, dont les abeilles gardent malgré tout la mémoire, succombent à l'entrée de l'hiver. Elles sont alors victimes de ce qu'on nomme la fièvre d'essaimage, qui est, comme la fièvre ordinaire, une sorte de réaction trop ardente de la vie, réaction qui dépasse le but, ferme le cercle et retrouve la mort. 5. Aucune des décisions qu'elles vont prendre ne paraît s'imposer, et l'homme, s'il reste simplement spectateur, ne peut prévoir celles qu'elles choisiront. Mais ce qui marque que ce choix est toujours raisonné, c'est qu'il peut l'influencer, le déterminer même, en modifiant certaines circonstances. En rétrécissant ou agrandissant, par exemple, l'espace qu'il accorde, en enlevant des rayons pleins de miel pour y substituer des rayons vides, mais garnis de cellules d'ouvrières. Il s'agit donc qu'elles sachent non pas si elles jetteront tout de suite un deuxième et un troisième essaim, il n'y aurait là, pourrait-on dire, qu'une décision aveugle, qui obéirait aux caprices ou aux sollicitations étourdies d'une heure favorable. Il s'agit qu'elles prennent dès l'instant et à l'unanimité des mesures qui leur permettront de jeter un deuxième essaim 3 ou 4 jours après la naissance de la première reine, et un troisième 3 jours après la sortie de la jeune reine à la tête du deuxième essaim. On ne saurait nier qu'on rencontre ici tout un système, toute une combinaison de prévisions qui embrassent un temps considérable, surtout si on le compare à la brièveté de leur vie. 6. Ces mesures concernent la garde des jeunes reines, encore ensevelies dans leur prison de cire. Je suppose que les abeilles jugent plus sage de ne pas jeter un second essaim. Ici encore, deux parties sont possibles. Permettront-elles à la première née des vierges royales, à celle que nous avons vue éclore, de détruire ses sœurs ennemies, ou bien attendront-elles qu'elle ait accompli la dangereuse cérémonie du vol nuptial, dont peut dépendre l'avenir de la nation ? Souvent, elles autorisent le massacre immédiat. Souvent aussi, elles s'y opposent. Mais on comprend qu'il est difficile de démêler si c'est en prévision d'un deuxième essaimage ou des périls du vol nuptial. Car on a plus d'une fois observé qu'après avoir décrété le deuxième essaimage, elles y renonçaient brusquement et détruisaient toute la descendance prédestinée, soit que le temps fût devenu moins propice, soit pour toute autre cause que nous ne pouvons pénétrer. Mais prenons qu'elles aient jugé bon de renoncer à l'essaimage et d'accepter les risques du vol nuptial. Quand notre jeune reine, poussée par son désir, s'approche de la région des grands berceaux, la garde s'ouvre à son passage. Elle, en proie à sa jalousie furieuse, se précipite sur la première capsule qu'elle rencontre et des pattes et des dents s'évertue à déchirer la cire. Elle y parvient, arrache violemment le cocon qui tapisse la demeure, dénude la princesse endormie et, si sa rivale est déjà reconnaissable, elle se retourne, introduit son aiguillon dans le godet et frénétiquement le darde jusqu'à ce que la captive succombe sous les coups de l'arme venimeuse. Alors elle s'apaise, satisfaite par la mort qui met une borne mystérieuse à la haine de tous les êtres, rentre son aiguillon, s'attaque à une autre capsule, l'ouvre, pour passer outre si elle n'y trouve qu'une larve ou une nymphe imparfaite, et ne s'arrête qu'au moment où haletante, exténuée, ses ongles et ses dents glissent sans force sur les parois de cire. Les abeilles autour d'elle regardent sa colère sans y prendre part, s'écartent pour lui laisser le champ libre. Mais, à mesure qu'une cellule est perforée et dévastée, elles accourent, en retirent et jettent hors de la ruche le cadavre, la larve encore vivante ou la nymphe violée, et se gorgent avidement de la précieuse bouillie royale qui remplit le fond de l'alvéole. Puis, quand leur reine épuisée abandonne sa fureur, elles achèvent elles-mêmes le massacre des innocentes et la race et les maisons souveraines disparaissent. C'est avec l'exécution des mâles, qui d'ailleurs est plus excusable, leur affreuse de la ruche, la seule où les ouvrières permettent à la discorde et à la mort d'envahir leur demeure. Et, comme il arrive souvent dans la nature, ce sont les privilégiés de l'amour qui attirent sur elles les traits extraordinaires de la mort violente. Parfois, mais le cas est rare, car les abeilles prennent des précautions pour l'éviter, parfois deux reines éclosent simultanément. Alors, c'est au sortir du berceau le combat immédiat et mortel dont Hubert a le premier signalé une particularité assez étrange. Chaque fois que, dans leur passe, Les deux vierges aux cuirasses de chitine se mettent dans une position telle qu'en tirant leur aiguillon, elles se perceraient réciproquement. Comme dans les combats de l'Iliade, on dirait qu'un dieu ou une déesse, qui est peut-être le dieu ou la déesse de la race, s'interpose, et les deux guerrières, prises d'épouvante, qui s'accordent, se séparent et se fuient, éperdues, pour se rejoindre peu après, se fuir encore si le double désastre menace de nouveau l'avenir de leur peuple, jusqu'à ce que l'une d'elles réussisse à surprendre sa rivale imprudente ou maladroite et à la tuer sans danger, car la loi de l'espèce n'exige qu'un sacrifice. 7. Lorsque la jeune souveraine a ainsi détruit les berceaux ou tué sa rivale, elle est acceptée par le peuple, et il ne lui reste plus, pour régner véritablement et se voir traitée comme l'était sa mère, qu'à accomplir son vol nuptial, car les abeilles ne s'en occupent guère et lui rendent peu d'hommage tant qu'elle est inféconde. Mais souvent son histoire est moins simple, et les ouvrières renoncent rarement au désir d'essaimer une seconde fois. Dans ce cas comme dans l'autre, portée d'un même dessein, elle s'approche des cellules royales, mais, au lieu d'y trouver des servantes soumises et des encouragements, elle se heurte à une garde nombreuse et hostile qui lui barre la route. Irritée et menée par son idée fixe, elle veut forcer ou tourner le passage, mais rencontre partout les sentinelles qui veillent sur les princesses endormies. Elle s'obstine, elle revient à la charge, on la repousse de plus en plus âprement, on la maltraite même, jusqu'à ce qu'elle comprenne d'une manière informe que ces petites ouvrières inflexibles représentent une loi à laquelle l'autre loi qui l'anime doit céder. Elle s'éloigne enfin, et sa colère inassouvie se promène de rayon en rayon, en faisant ressentir ce chant de guerre ou cette plainte menaçante que tout apiculteur connaît, qui ressemble au son d'une trompette argentine et lointaine, et qui est si puissant dans sa faiblesse courroucée qu'on l'entend surtout le soir à 3 ou 4 mètres de distance à travers les doubles parois de la ruche la mieux close. Ce cri royal a sur les ouvrières une influence magique. Il les plonge dans une sorte de terreur ou de stupeur respectueuse. Et quand la reine le pousse sur les cellules défendues, les gardiennes qui l'entourent et la tiraillent s'arrêtent brusquement, baissent la tête et attendent, immobiles, qu'il cesse de retentir. On croit d'ailleurs que c'est grâce au prestige de ce cri qu'il imite que le sphinx Atropos pénètre dans les ruches et s'y gorge de miel, sans que les abeilles songent à l'attaquer. 2 ou 3 jours durant, parfois 5, ce gémissement outragé erre ainsi et appelle au combat les prétendantes protégées. Cependant, celles-ci se développent, veulent voir à leur tour la lumière et se mettent à ronger les couvercles de leurs cellules. Un grand désordre menace la République, mais le génie de la ruche, en prenant sa décision, en a prévu toutes les conséquences. Et les gardiennes, bien instruites, savent heure par heure ce qu'il faut faire pour parer aux surprises d'un instinct contrarié et pour mener au but de forces opposées. Elles n'ignorent point que si les jeunes reines qui demandent à naître parvenaient à s'échapper, elles tomberaient aux mains de leur aîné, déjà invincible, qui les détruirait une à une. Aussi, à mesure qu'une des emmurées amincit intérieurement les portes de sa tour, elle les recouvre, en dehors, d'une nouvelle couche de cire. Et l'impatiente s'acharne à son travail sans se douter qu'elle ronge un obstacle enchanté qui renaît de sa ruine. Elle entend en même temps les provocations de sa rivale et, connaissant sa destinée et son devoir royal avant même qu'elle ait pu jeter un regard sur la vie et savoir ce qu'est qu'une ruche, elle y répond héroïquement du fond de sa prison. Mais comme son cri doit percer les parois d'une tombe, il est très différent, étouffé, caverneux. Et l'éleveur d'abeilles qui s'en vient vers le soir, lorsque les bruits se couchent dans la campagne et que s'élève le silence des étoiles, interrogé l'entrée des cités merveilleuses, reconnaît et comprend ce qu'annonce le dialogue de la Vierge qui erre et des Vierges captives. 8. Cette réclusion prolongée est d'ailleurs favorable aux jeunes Vierges, qui en sortent mûries, déjà vigoureuses et prêtes à prendre l'essor. D'autre part, l'attente a raffermi la reine libre et l'a mise à même d'affronter les périls du voyage. Le second essaim, ou essaim secondaire, quitte alors la demeure, ayant à sa tête la première née des reines. Immédiatement après son départ, les ouvrières restées dans la ruche délivrent une des prisonnières qui recommence les mêmes tentatives meurtrières, pousse les mêmes cris de colère, pour quitter la ruche à son tour, 3 jours après, à la tête du 3e essaim. et ainsi de suite en cas de fièvre d'essaimage jusqu'à l'épuisement complet de la cité mère. Swammerdam cite une ruche qui, par ses essaims et les essaims de ses essaims, produisit ainsi 30 colonies en une seule saison. Cette multiplication extraordinaire s'observe surtout après les hivers désastreux, comme si les abeilles, toujours en contact avec les volontés secrètes de la nature, avaient conscience du danger qui menace l'espèce. Mais, en temps normal, cette fièvre est assez rare dans les ruchées fortes et bien gouvernées. Beaucoup n'essaiment qu'une fois, plusieurs même n'essaiment pas du tout. D'habitude, après le deuxième essaim, les abeilles renoncent à se diviser davantage. Soit qu'elles remarquent l'affaiblissement excessif de la souche, soit qu'un trouble du ciel leur dicte la prudence. Elles permettent alors à la troisième reine de massacrer les captives. Et la vie ordinaire reprend et se réorganise avec d'autant plus d'ardeur que presque toutes les ouvrières sont très jeunes, que la ruche est appauvrie et dépeuplée et qu'il y a de grands vides à remplir avant l'hiver. 9. La sortie du deuxième et du troisième essaim ressemble à celle du premier, et toutes les circonstances sont pareilles. À cela près que les abeilles y sont moins nombreuses, que la troupe est moins circonspecte et n'a pas d'éclaireur, et que la jeune reine, vierge, ardente et légère, vole beaucoup plus loin et, dès la première étape, entraîne tout son monde à une grande distance de la ruche. Joignez-y que cette deuxième et cette troisième émigration sont bien plus téméraires et que le sort de ces colonies errantes est assez hasardeux. Elles n'ont à leur tête, pour représenter l'avenir, qu'une reine inféconde. Tout leur destin dépend du vol nuptial qui va s'accomplir. Un oiseau qui passe, quelques gouttes de pluie, un vent froid, une erreur, et le désastre est sans remède. Les abeilles le savent si bien que, l'abri trouvé, malgré leur attachement déjà solide à leur demeure d'un jour, malgré les travaux commencés, souvent elles abandonnent tout pour accompagner leur jeune souveraine dans sa recherche de l'amant, pour ne pas la quitter des yeux, pour l'envelopper et la voiler de milliers d'ailes dévouées. Ou se perdre avec elle quand l'amour l'égare si loin de la ruche nouvelle que la route, encore inaccoutumée du retour, vacille et se disperse dans toutes les mémoires. 10. Mais la loi de l'avenir est si forte qu'aucune abeille n'hésite devant ses incertitudes et ses périls de mort. L'enthousiasme des essaims secondaires et tertiaires est égal à celui du premier. Lorsque la cité mère a pris sa décision, chacune des jeunes reines dangereuses trouve une bande d'ouvrières pour suivre sa fortune et l'accompagner dans ce voyage où beaucoup est à perdre et rien à gagner que l'espérance d'un instinct satisfait. Qui leur donne cette énergie que nous n'avons jamais, à rompre avec le passé comme avec un ennemi? Qui choisit dans la foule celles qui doivent partir et qui marque celles qui resteront? Ce n'est pas telle ou telle classe qui s'en va ou demeure, par ici les plus jeunes, par là les plus âgés. Autour de chaque reine qui ne reviendra plus se pressent de très vieilles butineuses, en même temps que de petites ouvrières qui affrontent pour la première fois le vertige de l'azur. Ce n'est pas davantage le hasard, l'occasion, l'élan ou l'affaiblissement passager d'une pensée, d'un instinct ou d'un sentiment qui augmente ou réduit la force proportionnelle de l'essaim. Je me suis, à maintes reprises, appliqué à évaluer le rapport du nombre des abeilles qui le composent à celui des abeilles qui demeurent. Et bien que les difficultés de l'expérience ne permettent guère d'arriver à une précision mathématique, j'ai pu constater que ce rapport, si l'on tient compte du couvain, c'est-à-dire des naissances prochaines, était assez constant pour qu'il suppose un véritable et mystérieux calcul de la part du génie de la ruche. 11. Nous ne suivrons pas les aventures de ces essaims. Elles sont nombreuses et souvent compliquées. Quelquefois, deux essaims se mêlent. D'autres fois, dans le branle-bas du départ, deux ou trois des reines prisonnières échappent à la surveillance des gardiennes et rejoignent la grappe qui se forme. Parfois encore, une des jeunes reines, environnée de mâles, profite du vol d'essaimage pour se faire féconder, et entraîne alors tout son peuple à une hauteur et à une distance extraordinaire. Dans la pratique de l'apiculture, on rend toujours à la souche ses essaims secondaires et tertiaires. Les reines se retrouvent dans la ruche, les ouvrières se rangent autour de leur combat, et lorsque la meilleure a triomphé, ennemies du désordre, avides de travail, elles expulsent les cadavres, ferment la porte aux violences de l'avenir, oublient le passé, remontent aux cellules et reprennent le paisible sentier des fleurs qui les attendent. 12. Afin de simplifier notre récit, renouons où nous l'avions coupé l'histoire de la reine à qui les abeilles permirent de massacrer ses sœurs dans leur berceau. Ce massacre, je l'ai dit, elle s'y oppose souvent, alors même qu'elle ne semble pas nourrir l'intention de jeter un second essaim. Souvent aussi, elle l'autorise, car l'esprit politique des ruches d'un même rucher est aussi divers que celui des nations humaines d'un même continent. Mais il est certain qu'en l'autorisant, elle commette une imprudence. Si la reine périt ou s'égare dans son vol nuptial, il ne reste personne pour la remplacer, et les larves d'ouvrières ont passé l'âge de la transformation royale. Mais enfin, l'imprudence est faite, et voilà notre première éclose, souveraine, unique et reconnue dans la pensée du peuple. Cependant, elle est encore vierge. Pour devenir semblable à la mère qu'elle remplace, il faut qu'elle rencontre le mâle dans les 20 premiers jours qui suivent sa naissance. Si, pour une cause quelconque, cette rencontre est retardée, sa virginité devient irrévocable. Néanmoins, nous l'avons vu, quoique vierge, elle n'est pas stérile. Nous rencontrons ici cette grande anomalie, cette précaution ou ce caprice étonnant de la nature qu'on nomme la parthénogenèse, et qui est commun à un certain nombre d'insectes, les pucerons, les lépidoptères du genre psyché, les hyménoptères de la tribu des cynipides, etc. La reine vierge est donc capable de pondre comme si elle avait été fécondée. Mais de tous les œufs qu'elle pondra, dans les cellules grandes ou petites, ne naîtront que des mâles. Et comme les mâles ne travaillent jamais, qu'ils vivent aux dépens des femelles, qu'ils ne vont même pas butiner pour leur propre compte et ne peuvent pourvoir à leur subsistance, c'est, au bout de quelques semaines, après la mort des dernières ouvrières exténuées, la ruine et l'anéantissement total de la colonie. De la vierge sortiront des milliers de mâles, et chacun de ces mâles possédera des millions de spermatozoaires dont pas un n'a pu pénétrer dans son organisme. Cela n'est pas plus surprenant, si l'on veut, que mille autres phénomènes analogues, car, au bout de peu de temps, quand on se penche sur ces problèmes, notamment sur ceux de la génération où le merveilleux et l'inattendu jaillissent de toutes parts, et bien plus abondamment, bien moins humainement surtout, que dans les contes de fées les plus miraculeux, la surprise est si habituelle qu'on en perd assez vite la notion. Mais le fait n'en était pas moins curieux à signaler. D'autre part, comment tirer au clair le but de la nature qui favorise ainsi les mâles, si funestes, au détriment des ouvrières, si nécessaires? Craint-elle que l'intelligence des femelles ne les porte à réduire outre mesure le nombre de ces parasites ruineux, mais indispensables au maintien de l'espèce? Est-ce par une réaction exagérée contre le malheur de la reine inféconde? Est-ce une de ces précautions trop violentes et aveugles qui ne voient pas la cause du mal, dépasse le remède et, pour prévenir un accident fâcheux, amène une catastrophe? Dans la réalité, mais n'oublions pas que cette réalité n'est pas tout à fait la réalité naturelle et primitive, car, dans la forêt originelle, les colonies devaient être bien plus dispersées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Dans la réalité, quand une reine n'est pas fécondée, ce n'est presque jamais faute de mâles, qui sont toujours nombreux et viennent de fort loin. C'est plutôt le froid ou la pluie qui la retiennent trop longtemps dans la ruche, et plus souvent encore ses ailes imparfaites qui l'empêchent d'accompagner le grand essor que demande l'organe du faux bourdon. Néanmoins, la nature, sans tenir compte de ses causes plus réelles, se préoccupe passionnément de la multiplication des mâles. Elle brouille encore d'autres lois afin d'en obtenir, et l'on trouve parfois dans les ruchers orphelines deux ou trois ouvrières pressées d'un tel désir de maintenir l'espèce que, malgré leurs ovaires atrophiés, elles s'efforcent de pondre, voient leurs organes s'épanouir un peu sous l'empire d'un sentiment exaspéré, parviennent à déposer quelques œufs. Mais de ces œufs, comme de ceux de la Vierge Mère, ne sortent que des mâles.